Alex, cette semaine, tu nous parles de Roger and Me de Michael Moore. Exact, dans ma désormais légendaire série de chroniques sur les documentaires. Tellement. Ma deuxième. J'ai choisi un documentaire, je dirais, qui est méconnu par la plupart des gens, parce que la plupart des cinéastes, des cinéphiles, mon Dieu, je me mélange aujourd'hui, c'est pas facile, j'ai de la difficulté avec mes mots. La plupart des cinéphiles croient que Michael Moore a débuté sa carrière avec Bowling for Columbine, le film qui avait eu le score du meilleur documentaire en 2002 aux Oscars. Mais en vérité, sa carrière a commencé en 1989 avec Roger and Me, qui est son premier documentaire, je dirais, très engagé. Ça raconte l'histoire. Ben, l'histoire. C'est Michael Moore, un résident du Michigan, qui, après avoir vu l'usine de Flint, une petite ville très pauvre au Michigan, l'usine de General Motors, qui ferme ses portes et qui plonge la ville dans un état de pauvreté incroyable, décide de vouloir rencontrer le PDG de General Motors, soit Roger Smith, pour l'inviter à venir faire un tour dans la ville de Flint, au Michigan, pour lui montrer qu'est-ce que la fermeture de l'usine à Flint cause dans la société. Les répercussions. Exactement. Monétaires et autres, j'imagine. Exactement. Donc, tout le long du film, c'est Michael Moore qui rencontre des gens de Flint, Michigan, qui nous démontrent à quel point la ville est dans une situation précaire. Et ses tentatives infructueuses de rencontrer le dit PDG, Roger Smith. Bon, Michael Moore, le personnage en tant que tel, je trouve, tout d'abord, je pense que c'est important de parler de Roger and Me parce que c'est probablement le documentaire du 20e siècle qui a vraiment ressuscité un petit peu le genre. Donc souvent, on associe documentaire à National Geographic, à Jacques Cousteau. Donc, plate. Ouais. Non, mais c'est vrai, on se le cachera pas, là. Tu sais, c'est de l'information à état pur. Écoute ça pour te renseigner, pas pour te divertir, nécessairement. Exact. Écoute Canal D, merci, bonsoir. Mais Michael Moore ajoute sa touche personnelle au genre, c'est-à-dire du cynisme, beaucoup, beaucoup de cynisme, du sarcasme, de l'humour et du divertissement. Ouais. Donc, il amène le mot divertissement dans le documentaire et ça commence avec Roger and Me. D'accord? Ce qui est vraiment bien dans ce film-là, c'est justement, on n'a pas l'impression d'écouter un documentaire. On n'a pas l'impression qu'on est assis pour apprendre. On n'a pas le sentiment qu'on est dans une classe et qu'on veut se faire bourrer le crâne d'informations concernant un sujet donné. On a l'impression qu'on regarde un film et on va rire, on va trouver des gens cons, on va trouver Michael Moore bizarre, avec sa casquette à screen, avec une truite dessus. OK? Bon, mais c'est ça, là. Ouais. Et c'est justement le personnage en tant que tel qui fait que le documentaire est efficace. Parce que Michael Moore se présente comme étant un gars de la classe moyenne, un peu bouffon ses bars, qui aime ça prendre une bière, qui est quand même... Bedonnant. On pourrait dire... Oui, exactement. Bedonnant, je trouve que c'est un bon mot. Bref. Un gars normal. Exact. On lui attache automatiquement une crédibilité. Oui. C'est pas un journaliste qui a remporté des prix, qui est en veston, cravate, qui nous parle de l'économie suburbaine de telle bonté. C'est un gars. Il a l'air d'un gars qui dit les vraies choses. Exactement. C'est un gars qui se présente puis qui dit telle usine a fermé, moi je le prends pas, je veux savoir pourquoi. Ouais. OK? Et donc, ça donne l'impression aux gens que, écoute, si lui peut combattre les grosses compagnies, pourquoi pas nous? Donc, à ce niveau-là, je trouve ça bien et ça a amené un vent de fraîcheur au genre documentaire. Bien sûr, tout comme dans... D'ailleurs, comme dans tous ces films, les techniques qu'ils utilisent sont questionnées, les faits remis en question. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont contre Michael Moore. Ah oui, exactement. Et c'est justement, est-ce qu'on parle... Et jusqu'à se demander, est-ce que Michael Moore fait du documentaire? Ouais, ou est-ce que c'est de la fiction, ou est-ce qu'il modifie les choses un peu à l'écran pour nous convaincre de son opinion, mettons. Exactement. Ouais. Et comme entre deux chaises là-dessus, à mon avis, il y a eu plusieurs livres, plusieurs films, sites même. Web, des films, ouais. Exactement, qui ont été faits que pour réfuter ce que dit Michael Moore dans ses films, dans ses livres qu'il a également écrit, il a écrit quand même plusieurs livres. Donc, ça a vraiment créé une énorme polémique dans ce sens-là, dans le monde du documentaire. est-ce que Michael Moore, les faits qu'il avance sont légitimes? Donc, à ce niveau-là, c'est un autre débat, bien sûr, qu'on ne traitera pas aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que Roger and Me, ce documentaire qui est très divertissant, qui va se démarquer du genre en tant que tel, et qui a été repris à maintes reprises, et qui est présentement devenu pratiquement le genre privilégié dans les documentaristes, principalement aux États-Unis. Et à ce niveau-là, je pense que ça mérite le détour. Donc, ça vaut vraiment la peine qu'on regarde Roger and Me. Et pour savoir à quel point, je dirais, Bowling for Columbine, donc son documentaire lauréat d'un Oscar, a été bénéfique, le film, le DVD Roger and Me, est sorti en 2003. Après Bowling for Columbine, malgré que le film a été réalisé en 1989. Donc, c'est vraiment la folie furieuse de Bowling for Columbine qui a lancé Michael Moore. Deux de ses documentaires, dont Roger and Me, qu'il avait fait avant, ont paru par la suite en DVD. Donc, mais Roger and Me, c'est son premier. On voit vraiment les fondements de son style. On voit vraiment ce qui fait le charme de Michael Moore. Et je le recommande à tout le monde. C'est, oui, la problématique ne touche vraiment pas. Okay? Non, c'est ça. Mais pour le style, pour voir comment on peut, je dirais à mon avis, trafiquer un peu la réalité malgré l'étiquette de documentaire, c'est un must. Moi, personnellement, je donne un 8.5 sur 10 pour Roger and Me. J'enlève un 0.5 parce que, bon, bien sûr, il est en à ses débuts. Les techniques, je dirais, de caméra visuelle, c'est assez moyen. Je dirais, c'est pas l'image raffinée qu'on a dans ses autres films. Et il y a toujours le doute de... on sent vraiment qu'il tire la réalité, je dirais, vers lui. Manipuler un peu. Il manipule la réalité. Okay. Ça, on le sent un peu. Mais il y a vraiment des situations cocasses et loufoques qui valent le détour, à mon avis. Et rapidement, est-ce qu'il y a des extras sur le DVD? Est-ce que c'est... Ou très peu, ben, je dirais l'extra principal, c'est une piste de commentaire de Michael Moore lui-même sur son film. Il y a le preview, si vous voulez, le preview théâtral. La bande-annonce. Bande-annonce, merci beaucoup Mathieu. Et il y a les sous-titres, c'est seulement en piste anglophone. Donc, pas de français. Il y a les sous-titres français, anglais, espagnol. D'accord, voilà. Donc, c'est réalisé, produit et écrit par Michael Moore. Ce film Roger and Me, ça met en vedette aussi Michael Moore, distribué par Warner Brothers. C'est sorti le 20 décembre 89 aux États-Unis, 91 minutes en anglais seulement. Roger and Me. Merci beaucoup, Alexandre. C'est plaisir, Mathieu. À la semaine prochaine, t'as une idée, la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu... À vrai dire, la semaine prochaine, je ne pourrais pas y être. Bon. Mon travail m'empêchant de venir faire ma chronique. Voilà. Mais ma prochaine chronique va sur la Wii, en tout cas. Ça concerne Super Mario Smash Bros. Okay. Donc, le jeu qui présentement est en train de faire tout un tabac sur le marché des jeux vidéo. On va en parler tantôt d'ailleurs. Il bat des records chez Nintendo. Et voilà. Et le film, ben, c'est déterminé. Voilà. Donc, Alexandre Thibodeau, merci beaucoup. À dans deux semaines. Plaisir. On passe en musique. Voici de leur album Slick Dogs and Ponies, la formation Louis XIV et Guilt by Association à la connexion. Au 89.fm, on parle technologie informatique et jeux vidéo dans... Check. Dans vos oreilles. Lay your cash on the barrelhead and get on the floor. And all the rest of you away from the door. And everything that you ever thought would come true. I got news for you. All the cash on the barrelhead. You never thought you'd be doing this ever. I don't know why you think you can talk to me. It's such an uncivil tone. I should peel back your skin from an orange. Remember how you got all of this? Why? something to say. Everything I deserve today is going to come true. How about you? No, you never thought you'd be in this place right here, where we're at. Well, there's something we must confront now. Bonjour, c'est La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. 89 FM dans vos oreilles, je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, on va faire le fil informatique. On va parler entre autres de Microsoft, qui publie la première mise à jour majeure de Windows Vista. Tout ça à l'émission la plus rapide au monde. C'est La Connexion, 89 FM. Voici les gigolos avec La Guerre des mondes. C'est nouveau sur les palmarès de C'est fou, ça. Et on s'écoute ça tout de suite. Hein? Ça va être fantasmagorique, comme dirait le nom de leur hippie. Haha. Gigolo avec la pièce La Guerre des mondes de leur hippie, leur maxi fantasmagorique ici à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est l'émission pour les geeks. Maintenant, c'est le bloc F5 informatique, les nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs. La semaine dernière, on commence ça, oui, par Windows Vista. La première mise à jour majeure, Service Pack 1, est maintenant offerte à tous les utilisateurs dont l'ordinateur fonctionne sous Windows Vista. Depuis la date du 18 mars, et ça, si je regarde bien mes dates ici, c'était il y a deux jours. depuis donc il y a deux jours. Il est possible de télécharger SP1 directement du site de la compagnie. Cette mise à jour est en quelque sorte l'ensemble des correctifs que Microsoft a apportés à ce programme depuis son arrivée sur le marché il y a 13 mois déjà, avec des améliorations au chapitre de l'efficacité et de la sécurité. La façon la plus simple de se procurer cette mise à jour est d'attendre que Microsoft la propose par le biais du système Windows Update. Cela dit, les critiques demeurent encore nombreuses au sujet de Vista et même concernant ce SP1. Selon PC World, qui a effectué une série de tests, cette mise à jour améliore passablement le temps de copie de gros fichiers par rapport à la version originale. Pour le reste, ça semble identique et parfois même plus lent que la version originale, entre autres pour la compression de fichiers. PC World souligne qu'à son avis, les affirmations de Microsoft à l'effet que SP1 améliore de façon significative plusieurs aspects du système d'exploitation sont exagérés. PC World a l'intention de réaliser d'autres tests et de publier les résultats dès que possible. Enfin, les spécialistes de PC World suggèrent aux grandes entreprises d'attendre encore un peu avant d'installer cette mise à jour. Chez les autres spécialistes, les avis sont partagés. Certains semblent dire que les correctifs améliorent le produit original, alors que d'autres ne voient pas de changement significatif. La compagnie Microsoft avoue que certains programmes de sécurité cesseront de fonctionner avec SP1 et que d'autres applications seront peut-être altérées à différents degrés. Sur certains blogs, des gens disent que des programmes de sécurité utilisés par des internautes empêchent le téléchargement normal de la mise à jour. En somme, un an après sa sortie, le système d'exploitation Vista provoque encore des commentaires plus ou moins élogieux. En termes de vitesse d'exécution, par exemple, la plupart des spécialistes affirment que XP lui est supérieur. Et au chapitre de la compatibilité, ça reste à voir, même si Microsoft affirme que Vista est maintenant compatible avec 78 000 composantes et périphériques contre 20 000 lors de son lancement. L'article vient de Callaway.com. On passe de Microsoft à Apple. Le géant informatique américain Apple négocie avec de grandes maisons de disques en vue d'offrir à sa clientèle un accès illimité à son site de musique en ligne iTunes, selon le Financial Times, sur son site Internet, en citant des sources proches du dossier. Cet accès illimité pourrait être proposé moyennant le paiement d'un montant plus élevé pour ses appareils multimédia iPod et iPhone, d'après le quotidien britannique. Ce nouveau modèle d'activité, similaire à celui adopté par Nokia dans le cadre d'un accord avec Universal, pourrait soutenir le secteur de la musique ainsi que la demande d'appareils Apple de nouvelle génération, selon le Financial Times. Il dit ça en précisant que le point de friction concerne le montant qu'Apple serait prêt à payer pour l'accès au catalogue des maisons de disques. Toujours au sujet d'Apple, ils ont mis en ligne un nouveau pack de correctifs qui vient corriger pas moins de 90 vulnérabilités dans ses systèmes Mac OS X Tiger et Mac OS X Leopard. Baptisé Security Update 2008-002, cette mise à niveau bouche 87 trous de sécurité au niveau du système de Mac OS 10.4 et 10.5. Dans Leopard, les modules qui sont concernés sont entre autres AFP Client, Apache, Application Firewall, Clam Antivirus, Cops, Emacs, Help Viewer et plusieurs autres. Du côté de Tiger, c'est un peu la même chose. Il y a aussi File, Foundation, Help Viewer, Kerberos et d'autres. La mise à jour pèse entre 50 et 108 MB et peut être obtenue directement depuis le module de mise à niveau de Mac OS X ou depuis le site d'Apple via le lien qui est sur l'article sur le www.inchance.com. L'information intervient alors qu'Apple a publié aussi Safari 3.1 cette semaine et qui comble lui aussi certaines failles de sécurité. Voilà. On parle maintenant d'ordinateurs en général. Une nouvelle de l'Associated Press risque de surprendre ceux et celles qui ont à cœur la sécurité informatique. On sait tous qu'il est possible de retrouver son système informatique infecté par un virus à la suite d'un téléchargement ou de l'ouverture d'un courriel. On apprend maintenant qu'il est également possible d'acheter du matériel neuf sur lequel se trouvent déjà des virus. Il suffit de brancher un tel équipement sorti tout droit du magasin à l'intérieur de la maison pour se faire envahir de programmes malveillants. Ça s'explique par le fait que le ou les virus ont été préinstallés à l'usine et dans ce cas-ci, ce sont des usines chinoises qui en seraient la cause. Tous les appareils électroniques sont vulnérables à de telles infections, du iPod au système de navigation et même les cadres numériques pour afficher des photos. En somme, tout appareil fabriqué dans des usines où la qualité de l'inspection laisse à désirer. Et le plus surprenant, c'est que l'infection peut être accidentelle et non criminelle. Il suffit qu'un ouvrier branche son iPod infecté sur l'ordinateur qui sert à vérifier la qualité des appareils au bout de la chaîne de montage. Si tel est le cas, l'ordinateur pourra infecter à son tour toutes les pièces qu'il inspectera puisqu'en général, le virus cherche à se répandre. C'est ainsi qu'un consultant informatique a eu la surprise de sa vie lorsqu'il a branché un cadre numérique neuf sur son ordinateur. Il contenait 4 virus, dont un pour voler des mots de passe. Ce problème ressemble un peu à celui qui a affecté plusieurs pays l'an dernier avec les jouets d'enfants dangereux, le dentifrice contenant de l'antigel ou la nourriture qui a rendu malade des milliers d'animaux. Tous ces produits avaient été fabriqués en Chine sans contrôle adéquat de la qualité. Heureusement, ce type d'infection n'est pas très répandu et en attendant que les correctifs soient apportés, les spécialistes en sécurité informatique insistent sur un point. Il faut toujours avoir un logiciel antivirus à jour sur son ordinateur. On s'évite ainsi beaucoup de problèmes. L'article vient de Canoë. Net Tendance 2007, une grande enquête réalisée par Léger Marketing pour le compte du Centre francophone d'informatisation des organisations, le CFRIO, révèle des choses très intéressantes sur la relation entre les Québécois et Internet. Selon cette étude, Internet n'est plus qu'un phénomène marginal et fait maintenant partie intégrante de nos vies. De plus en plus de gens se laissent séduire par les nouvelles applications du web interactif, par exemple les balado-diffusions, les blogs, les réseaux sociaux. Donc voici quelques données tirées de cette enquête. 71% oui, des Québécois utilisent Internet sur une base régulière. 72% habitent un domicile branché. 83% utilisent la technologie haute vitesse. 28% disposent d'un accès sans fil Wi-Fi. 22% ont un ordinateur portatif. 8% utilisent un cellulaire pour y accéder. 67% ont une adresse courriel pour communiquer. 32% ça donne au clavardage. 27% des gens écoutent ou téléchargent de la musique. 20% visionnent ou téléchargent des vidéos. 17% des adultes ont joint des réseaux sociaux à la Facebook. 15% déposent des photos dans des sites de partage d'images comme Flickr. 11% fournissent des séquences vidéo, par exemple sur YouTube. 26% consultent régulièrement des blogs. 19% achètent sur le net tous les mois. 47% utilisent leur carte de crédit pour acheter et 41% font des transactions bancaires. Cette grande enquête existe depuis plusieurs années. Elle permet de voir à quel point les Québécois sont friands ou non des nouvelles technologies. À ce jour, cette série de sondages a permis d'interviewer plus de 140 000 Québécois sur leurs habitudes de navigation et leur propension à faire du commerce électronique. On parlait de réseau social il y a quelques secondes. Selon les rumeurs, Facebook s'apprêterait à lancer un service de messagerie instantanée. L'application serait accessible depuis les pages du profil des usagers. Certaines rumeurs plus tard démenties affirmaient que le service serait basé sur le protocole Jabber, ce qui aurait permis d'utiliser le service de messagerie de Facebook avec plusieurs applications de messagerie instantanée, Yahoo, AOL, MSN, ICQ. L'ajout d'un service de messagerie instantanée à la plateforme de réseautage risque d'être payant pour Facebook. La semaine dernière, AOL s'est porté acquéreur du site de réseautage Bibo, qu'elle risque d'arrimer avec son service de messagerie AOL Instant Messenger. Le lancement serait imminent. L'application devrait être disponible d'ici quelques jours sur Facebook.com. Toujours dans le domaine des rumeurs, en date de dimanche dernier, selon les rumeurs, le géant du partage de photographies, Flickr, offrira finalement la vidéo dès le début du mois d'avril. On en parle depuis longtemps, il semble que ce sera chose faite d'ici quelques semaines. Le pionnier du partage de photos en ligne, Flickr, souhaite désormais s'imposer dans le partage de vidéos. Le délai de quelques années serait dû à une volonté d'offrir la vidéo comme un service complémentaire et bien implanté. On ne souhaite pas remplacer YouTube, mais plutôt bonifier l'offre à la communauté, à la sauce Flickr. Le pari est important, Flickr devra convaincre ses usagers qui partagent leurs vidéos ailleurs de lui faire confiance pour la vidéo. Flickr vidéo devrait être offert d'ici quelques semaines. Yahoo, qui possède désormais l'entreprise, ne souhaite pas abandonner son service Yahoo vidéo, à l'instar de son service Yahoo photo qu'il a laissé tomber au profit de Flickr. L'article vient de brancher vous. Un article de Clubic maintenant. Les chaînes de télé sont de plus en plus agacées de retrouver sur les plateformes de vidéos gratuites, dont YouTube, dont peut-être Flickr Vidéo, les images de leurs programmes. Cult Productions, qui produit la série Kaamelott et Caméra Café, vient d'annoncer qu'elle assignait Dailymotion en raison de l'exploitation non autorisée des deux séries à succès sur le site. Depuis la création du site de partage, de très nombreux épisodes de Kaamelott et de Caméra Café sont mis gratuitement à la disposition des internautes, et ce alors même que Cult Productions a régulièrement signalé la présence de ces contenus contrefaisants sur le site. Note la société dans un communiqué de presse. La dernière affaire opposant un ayant droit à Dailymotion remonte à décembre dernier. Jean-Yves Lafesse avait assigné la plateforme française et YouTube, ces derniers diffusant certaines de ses vidéos comiques sans autorisation, mais le tribunal avait rejeté sa demande par manque de preuves. L'humoriste avait fait appel de cette décision. Une nouvelle de branchez-vous, après avoir distribué en ligne son dernier album In Rainbows, Radiohead lance aujourd'hui un concours sur le web pour la réalisation d'un vidéoclip d'animation s'inspirant de n'importe quelle des 10 chansons de l'album. Le groupe britannique prolonge ainsi la durée de vie en ligne de son album In Rainbows en faisant cette fois-ci appel à la créativité de ses fans pour la réalisation d'un clip d'animation. Et pas besoin d'être un expert pour soumettre ses idées puisque différents types de soumissions sont acceptés, scénario, storyboard et concept animé. 10 semi-finalistes choisis par l'hôte du concours, qui est le site collaboratif d'animation Aniboom, ainsi que par TBD Records et Adult Swim, recevront chacun 1000 $ US pour réaliser un clip d'une minute. Les internautes sont ensuite invités à voter sur le site d'Aniboom ainsi que sur MySpace. Toutefois, le gagnant qui recevra 10 000 $ US pour la réalisation du vidéoclip sera ultimement choisi par les membres de Radiohead eux-mêmes. Les personnes intéressées à participer au concours ont jusqu'au 27 avril pour soumettre leurs idées. Rappelons que le mois dernier, le groupe R.E.M. a invité les internautes à télécharger près de 90 minutes de fichiers vidéo du tournage de leur dernier clip pour qu'ils proposent ensuite leur propre version sur YouTube. Et depuis, le leader de Nine Inch Nails, Trent Reznor, lançait une initiative similaire sur le web, invitant ses fans à soumettre du visuel pour accompagner les pièces de l'album Ghost 1 through 14. Et finalement, il est désormais plus nécessaire de télécharger le logiciel Google Earth pour accéder à l'application d'exploration spatiale Google Sky. Google a dévoilé la version navigateur de son application Google Sky pour les internautes qui ne souhaitent pas télécharger le logiciel de géolocalisation Internet Google Earth. La version navigateur de Google Sky permet aux utilisateurs de s'approcher et de tourner autour d'un corps céleste, de chercher des planètes et des galaxies et de regarder le ciel en vision infrarouge, rayon X et ultraviolet. Depuis, il est possible d'accéder aux meilleures photos prises par le télescope Hubble et d'écouter des balado-diffusions, d'accéder à des cartes de constellations et à des photos d'astronomes amateurs. Google Sky a été, entre autres, programmé par l'Argentin Diego Gavinovich, finaliste de la section Amérique latine de la compétition Google Code Jam. En février, Google était poursuivi par un ancien employé de Google qui affirme avoir évoqué l'idée de Google Sky sur un forum interne de l'entreprise. Rappelons que Microsoft dévoilait aussi récemment son télescope virtuel, le World Wide Telescope, qui devrait être disponible gratuitement ce printemps. Si vous voulez aller voir Google Sky, c'est le google.com/sky, S-K-Y. Voilà qui fait le tour pour le bloc F5 informatique. Voici le top 15 des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière. De la 15e à la 6e, on y va rapidement. 4-1, Remax. Remax, oui. Recette Desjardins, Your File Host, TVA, Emploi Québec, L'Auto-Québec, YouTube et Facebook. En 5e, ça monte avec Accéder. En 4e, ça descend, c'est Hotmail. En 3e, ça monte avec les PAC. En 2e, ça descend avec Météo Média. Et finalement, le numéro 1 a monté. Il est de retour en première position. Horoscope. Vous écoutez La Connexion. On parle technologie, informatique et jeux vidéo. Au C'est Fou 89.1 FM. Dans vos oreilles. Restez là plus tard, le bloc Cybercrime. Fight and Kiss de la formation We Are Wolves, ça vient de leur album Total Magique à la Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et du vidéo. Et maintenant, c'est le bloc Cybercrime. Dans le bloc Cybercrime, on parle des nouvelles qui ont marqué le monde, de tout ce qui est croche dans les technologies, tout ce qui n'a pas rapport, les choses qu'on ne devrait pas faire ou des choses qui ont rapport avec la justice, des choses illégales. On commence par Apple qui fait l'objet depuis la semaine dernière d'une poursuite visant l'exploitation de sa boutique en ligne iTunes et de ses lecteurs numériques portatifs iPod, qui utiliserait sans licence une méthode brevetée pour la distribution de contenu numérique sur Internet. Zap Media Services, une firme d'Atlanta en Géorgie, a enregistré sa poursuite en cours fédérale, division Marshall du district Est du Texas, accusant Apple de violer deux de ses brevets. Zap Media cherche à obtenir des redevances sur les revenus récoltés par Apple avec la vente de lecteurs iPod et de contenu sur iTunes, des ventes qui se sont chiffrées à presque 11 milliards de dollars en 2007. Les brevets en cause couvrent une méthode de transmission de musique et autres contenus numériques à partir de serveurs vers de multiples lecteurs, une description plutôt large qui pourrait aussi s'appliquer à une kyrielle de compagnies distribuant du contenu numérique, ainsi que des appareils de lecture. Zap Media a placé une demande pour les deux brevets en 1999 auprès du US Patent Office. Le premier a été accordé à la firme en mars 2006 et l'autre mardi de la semaine dernière, si je comprends bien absolument. Zap Media affirme avoir rencontré des responsables d'Apple pour discuter d'ententes de licence, mais aurait finalement essuyé la rebuffade d'Apple. Une porte-parole d'Apple a indiqué que la compagnie ne commande pas les poursuites en instance. Harvard, une des 8 universités les plus prestigieuses des États-Unis, ce qu'on appelle Ivy League, a confirmé l'attaque de ses serveurs web. Basé à Cambridge, dans le Massachusetts, l'École supérieure d'art et de services d'Harvard a précisé que les données personnelles comme numéro de sécurité sociale, date de naissance, courriel, numéro de téléphone, résultat scolaire de ses candidats de troisième cycle ont pu être exposées lors de cette attaque perpétrée en février dernier. Au total, 10 000 personnes sur les années universitaires 2006, 2007 et 2007-2008 seraient concernées. Ces informations auraient d'ores et déjà été diffusées sur les réseaux de partage de fichiers et tout particulièrement via le protocole BitTorrent. Installé sur la côte nord-est des États-Unis, l'établissement d'enseignement supérieur américain a indiqué mettre à disposition ses services de protection juridique et de récupération de données aux étudiants susceptibles d'être victimes de fraude ou d'usurpation d'identité. L'ingénieur marocain emprisonné pour avoir incarné le prince Moulay Rachid dans un faux profil Facebook a retrouvé sa liberté après avoir été pardonné par le roi Mohamed VI, selon une dépêche de l'agence France Presse. Fouad Mourtada, un ingénieur informatique de 27 ans, avait été reconnu coupable le 22 février dernier d'avoir utilisé de fausses informations et usurpé l'identité du prince Moulay Rachid, le frère de Mohamed VI. Dans une décision décriée par plusieurs groupes de protection des droits de l'homme, la cour l'avait condamné à 3 ans d'emprisonnement et à une amende d'environ 1 400 $. Pendant son procès, Fouad Mourtada a tenté de convaincre la cour qu'il n'avait eu aucune mauvaise intention derrière son geste et qu'il ne s'agissait que d'une blague, mais sans succès. Amnesty International avait à l'époque jugé la sentence disproportionnée par rapport au crime du jeune ingénieur. Dans un communiqué, l'organisme Reporters sans frontières a réagi à la libération de Fouad Mourtada en affirmant qu'il est dommage que sa libération soit due à un pardon royal et non à un verdict juste, et équitable. Si vous voulez lire l'article, un Marocain emprisonné pour avoir créé un faux profil Facebook, allez voir le site de l'émission au www.unechance.com. C'est là que vous pouvez réécouter l'émission en balado-diffusion et rire de mes erreurs de français. Le groupe Human Rights Watch élabore un code de conduite face à la censure chinoise à l'usage des fournisseurs d'accès et des administrateurs de portails Internet. À l'approche des Jeux olympiques de Beijing, les droits de l'homme en Chine font la manchette, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression en ligne. L'accès à YouTube ainsi qu'à Google News a récemment été bloqué au lendemain des manifestations pro-indépendance tibétaine. Human Rights Watch se dit concerné par la collaboration des entreprises Internet avec le gouvernement chinois. Selon le directeur de l'organisme Kenneth Roth, les entreprises bloquent souvent l'accès au contenu avant même qu'une requête du gouvernement chinois ne soit formulée. Plusieurs entreprises ont été pointées du doigt au cours des dernières années pour avoir été complices de la censure chinoise. Yahoo a notamment permis aux autorités chinoises d'identifier des dissidents. MSN a fermé un blog suite à une requête du gouvernement et Google a offert à la Chine une version censurée de son moteur de recherche. Le code de conduite de Human Rights Watch sera complété d'ici quelques mois avant la tenue des Jeux olympiques de Beijing. Voilà pour le blog des nouvelles croches, des nouvelles de justice, des nouvelles illégales dans Cybercrime. Maintenant, voici le top 10 des pages des jeux les plus trichés. Oui, sur GameFAQs.com. De la 10e à la 6e, on retrouve PlayStation 3 Hardware, donc le matériel, la console PlayStation 3, Army of Two, World of Warcraft, God of War Olympus et FFCC Ring of Fates. En 5e, c'est COD 4 Modern Warfare sur la 360. En 4e, Final Fantasy 12 sur la PS2. En troisième, Pokémon Diamond sur la DS. En deuxième, Lost Odyssey sur la Xbox 360. Et le jeu le plus triché, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. On termine la première heure avec une pièce de El Motor, voici Dea Del Cesso. Et dans la deuxième heure de l'émission, on va parler science et technologie. Il y aura aussi un blog sur les nouvelles du futur et des nouvelles de jeux vidéo. À la connexion, on parle technologie et informatique et aussi jeux vidéo au 89.1 FM dans vos oreilles. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va parler entre autres de Toshiba et Samsung en tête du classement de Greenpeace pour une high-tech responsable. Et on va parler aussi d'opération Xbox. Mais avant, voici une pièce de Songs from a Room. I believe it's very good. Proceed, proceed. This time it's mine. Believe In de la formation canadienne Songs From A Room à la Connexion, émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est fou 89.1 FM. Et maintenant, je suis en compagnie de Jonathan Gosselin qui vient nous parler d'Opération Xbox. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien, toi. Très bien. Qu'est-ce que c'est Opération Xbox pour commencer? Opération Xbox, c'est un tournoi de NHL 2008 pour ramasser des fonds pour la fondation Opération Enfant-Soleil. Donc pour une bonne cause. Exactement. Comment ça fonctionne? L'événement va se passer comment? L'événement va se passer samedi à l'école Curie-Chamberlain, où mes joueurs, mon tournoi devrait commencer vers 8h30. Et les joueurs doivent s'inscrire par Internet sur opérationxbox.org. OK. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce tournoi-là? Ben, en premier lieu, il y a mon plus jeune garçon qui est né à 33 semaines, qui a dû avoir un incubateur pendant une semaine de temps. Et la majorité des équipements qui étaient dans la salle pour les enfants à risque à la naissance, ils étaient fournis par Opération Enfant Soleil. Alors, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas quelque chose pour les aider aussi? C'est la première fois que tu fais ça? Oui, c'est la première fois que j'organise un tournoi. Donc, tu veux que les gens s'inscrivent, ils font ça sur opérationxbox.org. Exactement. C'est bien ça. Ça coûte? Ça coûte 15$ pour l'inscription. Il va y avoir des prix de présence, il va y avoir un prix pour le gagnant aussi du tournoi. Donc, on joue au jeu NHL 2008. Exactement, NHL 2008. Les gens sont bons à ça, il faut qu'ils s'inscrivent. Moi, n'importe qui peut venir s'inscrire. On est là pour avoir du fun, puis on est là surtout pour ramasser des fonds pour Opération Enfant-Soleil. Voilà, donc c'est opérationxbox.org. On rappelle l'adresse et on rappelle ça se passe où? Ça se passe à l'école Curie-Chamberlain de Trois-Rivières à compter de 8h30 le matin. Donc, on lance le défi à tout le monde à Trois-Rivières et ailleurs, si vous voulez aller voir ça, opérationxbox.org. Inscrivez-vous, c'est pour une bonne cause, c'est pas cher, avec vos amis. Grosse affaire. Les amis, la famille et même du monde que vous connaissez pas, lancez l'invitation, lancez un défi. Je suis certain qu'ils vont embarquer. Ça vaut la peine. Exactement. Merci beaucoup, c'est Jonathan Gosselin, Opération Xbox. Merci. Merci. On s'en va entendre encore une pièce musicale. On va revenir après ça avec un bloc sur les technologies. Si ça vous intéresse de rester avec nous à la Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, ou ça, à C'est fou 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. C'est une bonne radio. Retour au premier rang. parti. Le caoutchouc se mitraille et les cocktails sont servis. Un refoulement humain jusqu'au cœur des ruelles. La manifestation pacifique n'est qu'une guerre éternelle. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Le Roi Poisson est la pièce premier rang à la Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est fou 89.1 FM. Juste avant la pièce du Roi Poisson, on a reçu Jonathan Gosselin pour nous parler d'Opération Xbox. Je rappelle la date de l'événement, c'est le 22 mars 2008, samedi, dans le gymnase de l'école Curé Chamberlain. Allez vous inscrire sur opérationxbox.org. C'est pour Opération Enfant Soleil, ça vaut la peine de le faire. Maintenant, ben, c'est le bloc, le fil, science et technologie. On commence par Toshiba et Samsung. Les deux entreprises asiatiques se classent première du classement pour une high-tech responsable de Greenpeace. Greenpeace publie la 6e édition de son classement trimestriel, publié depuis août 2006. Ce classement de Greenpeace tient compte des efforts mis de l'avant par les industries électroniques pour éliminer les substances dangereuses de leurs produits, ainsi que celles entreprises dans la gestion de leurs produits lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Cette année, Toshiba passe du 6e au 1er rang, améliorant son score sur le critère responsabilité individuelle du producteur, un principe selon lequel chaque entreprise reste responsable de la gestion des déchets issus de ses propres produits. De son côté, Samsung passe du 2e au 1er rang pour la gestion des composants chimiques de ses produits, exempt des substances les plus dangereuses. Comme le souligne Greenpeace, tous les nouveaux modèles d'écrans LCD ou à cristaux liquides de Samsung sont maintenant exempts de PVC, qui est un plastique chloré. Et tous les nouveaux modèles de téléphones mobiles du fabricant coréen ont des circuits imprimés ainsi que des boîtiers et des périphériques quasiment exempts de retardateurs de flammes bromés. Nintendo arrive bon dernier avec une note de 0,3 sur 10. L'entreprise gagne quelques points pour avoir rendu publique sa politique de gestion des substances chimiques, mais tout reste à faire chez Nintendo, souligne Greenpeace. Le prochain classement de Greenpeace, qui sera publié en juin, prendra également en compte les enjeux de consommation énergétique. Si vous voulez lire le classement, allez voir le site de l'émission, le www.unechance.com. L'article s'appelle « Toshiba et Samsung en tête de classement Greenpeace ». Le géant japonais Toshiba table sur une perte de 65 milliards de yens, 656 millions de dollars canadiens pour l'année fiscale en raison de son renoncement à sa norme HD-DVD de vidéo haute définition. La firme électronique a revu son résultat à la baisse pour tenir compte de cet abandon. Le 19 février dernier, Toshiba a jeté officiellement l'éponge en annonçant l'abandon par la firme électronique japonaise dans le bras de fer qui l'opposait à Sony pour imposer une norme unique de vidéo nouvelle génération. Cet abandon laisse la place à la norme Blu-ray, soutenu notamment par les autres géants japonais Sony et Matsushita, mais aussi par 5 studios majeurs de Hollywood. Alors que sa technologie a séduit plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, l'abandon probable de Toshiba laisse aussi dans l'embarras ses deux principaux soutiens, qui étaient la Paramount de Viacom et Universal de General Electric, qui, eux, avaient fait le pari du HD-DVD. Et finalement, une nouvelle qui touche vraiment les geeks à l'émission pour Geeks, la Connexion. L'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke est décédé mercredi dernier au Sri Lanka, où il était installé depuis 1956 à l'âge de 90 ans. Il souffrait de problèmes respiratoires, selon un de ses collaborateurs. Arthur C. Clarke, de nationalité britannique, était l'auteur de plus d'une centaine de livres sur l'espace, la science et l'avenir. Le film de Stanley Kubrick, 2001, L'Odyssée de l'espace, est inspiré notamment d'une de ses nouvelles, La Sentinelle. Parfois, on me demande quelle image j'aimerais qu'on conserve de moi. mois, avait-il déclaré récemment. J'ai eu une carrière variée d'écrivain, d'explorateur sous-marin et de promoteur de l'espace. De tout ça, j'aimerais qu'on se souvienne de moi en tant qu'écrivain. Depuis les années 60, il souffrait d'un syndrome post-polio et utilisait parfois un fauteuil roulant. À partir de 1950, il avait commencé à publier des livres, qu'il s'agisse de fiction ou non, à un rythme de parfois de 3 ouvrages par an. Il avait publié 3001, l'Odyssée finale, à 79 ans. Parmi ses ouvrages les plus connus, on notera La cité et les astres en 1956, Terre, planète impériale en 75 ou encore Champ de la Terre lointaine en 86. Quand Clark et Kubrick se sont rencontrés pour préparer un film sur l'espace, ils ont utilisé plusieurs nouvelles de l'écrivain, dont La Sentinelle, écrite en 48, et Encounter in the Dawn. Parallèlement à l'écriture du scénario du film, Clark avait rédigé une nouvelle sur l'histoire. Il avait ensuite écrit 2010, 2061 et 3001, l'Odyssée finale. Voilà pour le bloc science et technologie. Tout de suite, voici quelques nouvelles du futur. Quelques nouvelles qui pourraient vous toucher dans le futur plus ou moins rapproché ou plus ou moins éloigné. Le gouvernement du Québec a annoncé la création d'un programme pour déployer Internet haute vitesse sur tout son territoire d'ici 5 ans. C'est le quotidien La Presse qui a apporté ça dans son édition de vendredi 14 mars. Ce nouveau programme appelé Communauté rurale branchée du Québec cherche à offrir Internet haute vitesse aux villages qui se trouvent dans les régions où l'accès à ce service n'est pas encore disponible partout, notamment en Estrie, sur la côte nord, dans les Chaudières-Appalaches et en Gaspésie. Par ce nouveau programme, le gouvernement espère stimuler la productivité des entreprises qui sont situées dans ces régions. Ça, c'est la ministre des Finances, Monique Jérôme Forget, qui a dit ça lors de son discours sur le budget qu'elle présentait jeudi le 13 à l'Assemblée nationale. Le budget alloué à ce nouveau programme, qui remplacera celui qui s'appelait Village branché du Québec, sera de 20 millions de dollars étalés sur 5 ans. Une bonne partie de ce montant sera destinée à implanter dans les régions concernées des réseaux Wi-Fi moins coûteux que les réseaux de fibre optique. Une fois que les réseaux seront installés, les fournisseurs d'accès Internet pourront ensuite offrir leurs services de haute vitesse aux citoyens et aux entreprises de ces régions. Le gouvernement a par ailleurs annoncé qu'il injectera 10 millions de dollars supplémentaires l'an prochain afin d'accélérer le déploiement de ses services gouvernementaux en ligne, dont le budget passe maintenant à 122 millions de dollars. Comme prévu, Western Digital commence à annoncer de nouveaux disques durs qui tirent profit de sa dernière densité de stockage par plateau de 320 gigas. La firme annonce ainsi l'arrivée de son WD Caviar SE16, un disque de 3,5 pouces capable de stocker, tenez-vous bien, jusqu'à 640 gigas de données à l'aide de deux plateaux. En outre, ce nouveau modèle présente les caractéristiques suivantes. Nuisance sonore allant de 25 à 29 dBA, taux de transfert de 121 MB/s, 16 MB de mémoire cache, 7200 tours minute et consommation en fonction lecture-écriture de 8,77 watts. Ce nouveau modèle devrait être mis en vente dans les semaines à venir au prix de 140 $ américains. À l'heure actuelle, seul Samsung propose une densité de stockage par plateau supérieure avec son record fixé à 334 gigaoctets. L'univers numérique continue sa croissance. D'après le cabinet d'analyse IDC, il pourrait représenter 1,8 zeta-octets d'informations dès 2011, soit 1,8 x 10 puissance 21 octets. La multiplication des ordinateurs, appareils photo numériques, baladeurs MP3 et autres caméras vidéo participe à ce mouvement, mais l'essentiel de cette masse d'informations proviendrait des bases de données, des systèmes d'informatique et de tous les dispositifs chargés de capter puis de conserver les traces de nos actions. IDC estime par ailleurs que la masse des informations relatives aux individus a déjà dépassé le volume de données qu'ils sont eux-mêmes capables de produire. Données personnelles et ombres numériques devraient donc continuer à croître de concert au fur et à mesure que les appareils photo numériques, dont plus d'un milliard dans le monde en 2007, existaient. Les cartes de crédit, les accès à Internet et la télé numérique se répandent à travers le monde. Outre la multiplication des usages impliquant la création d'informations numériques, IDC observe bien sûr la pénétration croissante de l'informatique dans les pays en voie de développement. En 2007, le volume global d'informations dans le monde s'élevait, selon IDC, à 281 exaoctets, une progression de 56% par rapport à 2006. Si on écarte la problématique liée au comptage des octets en informatique, là, bon, j'irai pas dans la technique trop, mais un KO, un kilooctet, ne représente normalement pas 1000 octets, mais bien 1024, en tout cas. Imaginez qu'un exaoctet correspond à la somme de la capacité d'un million de disques durs de 1 téraoctet. Ce qui est très rare encore aujourd'hui, un téraoctet. Un zeta-octet représente quant à lui 1000 de ces hexaoctets qui étaient lui-même un million de disques durs d'un téraoctet. C'est beaucoup à comprendre, mais quand même, c'est énorme. Samsung a annoncé un module de caméra de seulement 8,5 mm d'épaisseur qui pourrait se retrouver dans certains téléphones cellulaires dès cette année. Le module de Samsung viendrait donc remplacer les caméras de 5 mégapixels qu'on retrouve présentement dans les téléphones haut de gamme. Selon le site web coréen de Samsung, la pièce ne mesure que 28 mm de large par 15,3 mm de haut et possède une épaisseur de 8,5 mm, ce qui en ferait le module de 8 mégapixels le plus mince à ce jour. Selon Samsung, cette minceur donnera un peu de liberté aux designers de téléphones qui étaient auparavant limités par l'épaisseur du module caméra. En plus d'une amélioration au niveau du nombre de mégapixels, le module inclut également un système anti-vibration, une technologie de reconnaissance vocale et une fonction macro pour photographier de près. Samsung prévoit fournir les prototypes de son nouveau module aux fabricants de caméras numériques, de téléphones portables et de lecteurs multimédia dès le mois de mai et devrait en débuter la production plus tard cette année. Vous pouvez aller voir le site en anglais traduit du coréen. C'est le site de samsung.co.kr, mais allez voir l'article sur le unechance.com. Il y a une photo, oui, avec un crayon. Ça vous montre la grosseur de la chose. Et finalement, un robot au service des personnes handicapées. Les robots ne sont pas tous semblables. Beaucoup ont une apparence soignée. C'est le cas du fameux robot Asimo de la compagnie Honda qui parcourt les congrès internationaux depuis plusieurs années. Ou encore Aibo, le fameux chien robotisé de Sony. Il en existe pourtant un qui ressemble très peu à un humain ou à un animal, mais qui risque de faire sa marque auprès des personnes handicapées. Il a comme nom LE. EL, trait d'union E, là, LE. Et la seule chose qu'il sait faire, c'est apporter des objets. Le principe de fonctionnement est relativement simple. L'utilisateur identifie un objet à apporter grâce à un pointeur laser. Le robot émet un son lorsqu'il voit l'objet. Ensuite, il se dirige vers l'objet, le prend ou le ramasse. Une fois que l'objet est récupéré, l'utilisateur n'a qu'à pointer le laser à ses pieds et le robot lui apporte l'objet. Un peu comme un chien. Ce robot a été présenté cette semaine à un congrès à Amsterdam. Il a été mis au point par des chercheurs américains du Georgia Institute of Technology, l'une des institutions les mieux cotées chez nos voisins américains. Selon l'un des membres de l'équipe de chercheurs, ce robot facilitera la vie de milliers de personnes à mobilité réduite. Même si les performances de Ellie demeurent modestes, elles en ont impressionné plus d'un. C'est le cas d'un professeur d'informatique à l'Université du Massachusetts à Amherst. Il a dit « C'est un travail remarquable. Il s'agit là d'une expérience sérieuse et concluante qui prouve qu'un robot a sa place avec les humains et qu'il peut effectuer des tâches utiles. » Ellie a trouvé un emploi d'été et sera envoyé dans un institut où se trouvent des personnes handicapées afin de parfaire ses habiletés et d'améliorer ses performances. Voilà pour les nouvelles du futur. Voici ce qui se passe présentement sur OneUp.com, un site de jeux vidéo. C'est les jeux les plus populaires aujourd'hui, le 20 mars 2008. En cinquième, on retrouve God of War 3 sur la PS3. En quatrième, Smash Bros. Brawl sur la Wii. En troisième, Final Fantasy VII Crisis Core sur la PSP. En deuxième, The Sims 3 sur le PC. Et le jeu le plus regardé sur OneUp.com, le plus surveillé, c'est Rainbow Six Vegas, qui est sorti il y a à peine quelques jours sur la Xbox 360. Rainbow Six Vegas 2. Oui, voilà, sur la Xbox 360. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. C'est le nom au complet de ce jeu. Maintenant, ben, on passe au bloc F5, jeux vidéo. Allez, voilà. Les nouvelles qui ont marqué le monde des jeux vidéo, on va faire ça en bref un petit peu. Nintendo a annoncé que les ventes de Super Smash Bros. Brawl ont dépassé tous les records de la compagnie en Amérique du Nord. Depuis son lancement le 9 mars dernier, le jeu a été acheté plus de 1,4 million de fois aux États-Unis seulement. Ça représente 120 unités par minute ou encore 2 par seconde. Le jour du lancement, il y a une semaine, un petit peu plus d'une semaine, une semaine et demie, c'est 874 000 copies qui ont trouvé preneur. Nintendo croit qu'avec Mario Kart Wii et Wii Fit, sa console pourra garder le momentum qu'elle détient depuis sa sortie en novembre 2006. S'il est évident que Nintendo compte surfer sur la vague de Super Smash Bros. Brawl jusqu'à la sortie de Mario Kart le 27 avril, qui sera suivie par la sortie de Wii Fit le 19 mai, plusieurs joueurs se demandent quelle surprise Nintendo prépare aux joueurs pour la deuxième moitié de l'année. Reggie Fils-Aimé, le président de Nintendo of America, en entrevue chez Game Trailers, a affirmé que Nintendo réserve des surprises pour le 3 2008 qui se déroulera du 15 au 17 juillet 2008 au Los Angeles Convention Center. Il a tout de même précisé qu'au moins un titre majeur paraîtra aux fêtes, qui plaira aux fans de Nintendo autant qu'aux nouveaux joueurs. Le suspense s'éternisera donc pour bien des joueurs. Nintendo ayant l'habitude de ne dévoiler qu'au E3 ses titres à venir pour les 9 prochains mois. Ça n'empêchera toutefois pas les joueurs de spéculer sur l'identité de ses titres, dit Jouer.com. Certains croient que Nintendo nous prépare une nouvelle édition de Donkey Kong qui s'apparentera davantage à Donkey Kong Country qu'à Donkey Kong Ga et me voilà extrêmement heureux. D'autres espèrent que Nintendo ressuscite Kid Icarus, un classique de la NES mettant en vedette Pit, un des nouveaux personnages jouables dans Super Smash Bros. Brawl. Dans le passé, Nintendo a déjà sous-entendu que de nouveaux titres des franchises Animal Crossing, The Legend of Zelda et Kirby verraient le jour sur la Wii. Il y a aussi Disaster Day of Crisis et Wii Music qui ont été dévoilés précédemment et dont nous n'avons pas encore de nouvelles depuis l'an dernier. Enfin, après le succès de Wii Sports et de Wii Play, il est probable que Nintendo offre des successeurs à ces titres ou encore des titres dans la même veine. Voilà, ça c'est un article de Jouer.com. Avec la mort du HD DVD, plusieurs rumeurs ont fait surface sur Internet à l'effet que Microsoft serait en pourparlers avec Sony afin d'apporter le format Blu-ray sur la Xbox 360. Or, la compagnie de Seattle a nié ces faits en déclarant qu'elle se concentrera plutôt sur la distribution de contenu digital. Et là, on dit digital, ça veut dire numérique. Plutôt que d'apporter le Blu-ray sur sa console. Selon Microsoft, ils vont continuer... Selon le directeur de la Xbox 360 chez Microsoft, Microsoft va continuer à investir dans son service de distribution de films via Xbox Live qui permet entre autres de télécharger plusieurs films en haute définition. Dommage tout de même pour ceux qui préféraient posséder des films dans leur forme physique sans au passage faire exploser leur bande passante et remplir leur disque dur. C'est ce que dit ArtGamers.com. Pegatron et Unihan, deux filiales basées en Chine du célèbre fabricant de PC et de composants Asus Tech, sont parvenus à un accord avec Microsoft pour produire environ 500 000 consoles Xbox 360 par mois, ce qui permettra peut-être à la firme de régler les problèmes de stock que rencontre sa machine aux États-Unis en ce début d'année 2008. Sachez que Pegatron et Unihan prennent aussi en charge la production de la PS3. La prochaine version de l'engin Unreal Engine ne sera pas destinée au PC en premier lieu. En effet, au cours d'une entrevue accordée au site TG Daily, le président de Epic Games a déclaré que l'engin Unreal Engine 4 sera en premier lieu pour les consoles de prochaine génération. La version 4 ciblera exclusivement la prochaine génération de consoles, le successeur de la Xbox 360, le successeur de la PS3, et si Nintendo propose une machine avec des capacités similaires, alors celle-ci aussi, a-t-il dit, les PC suivront par après. Bien que Epic Games emprunte la même voie que plusieurs studios concernant le développement des jeux, le développeur n'a pas abandonné le PC pour autant. En effet, Epic Games fera partie de la PC Gaming Alliance qui regroupera divers studios désirant revigorer le développement de jeux sur PC. Les fans de Rainbow Six l'avaient déjà remarqué depuis longtemps, la série a perdu son aura tactique pour des suites faciles d'accès, dit jeuxfrance.com. Donc on sent que ne dément pas Ubisoft, puisque Philippe Thérien, concepteur de Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2, vient d'annoncer qu'à l'avenir, la firme ne développera plus de FPS nécessitant des heures d'entraînement avant d'arriver à progresser un minimum dans l'aventure. La faute à des coûts de développement aujourd'hui trop élevés pour un simple marché de niche. Apparemment qu'il n'y a pas assez de fans pour faire marcher ce type de jeu. Une vague casual, une vague de jeux faciles pour n'importe qui n'en finit plus de progresser en somme. C'est ce que dit l'article. En plus d'être le seul studio de développement de jeux vidéo de Québec à figurer au top 50 mondial des développeurs de jeux du Game Developers Research, B-Movie Game, un jeu développé par Binox, s'est vu décerner un honneur cette semaine. B-Movie Game, c'est la version originale de Drôle d'abeille. En effet, B-Movie Games s'est mérité le Parents' Choice Award. Ce programme qui existe depuis 1978 honore les meilleurs produits destinés aux enfants. Un panel d'éducateurs, de scientifiques, d'artistes, de bibliothécaires, de parents et d'enfants sont consultés pour mettre les produits en nomination. Les renseignements sont disponibles au parents-choice.org. Rappelons que B-Movie Games s'est aussi mérité le iParenting Media Award en février qui récompense l'excellence pour les produits destinés aux enfants. La nouvelle vient d'ArtGamers. Fondée il y a un peu plus de 10 ans, la Cyber Athlete Professional League, la CPL, qui a offert plus de 3 millions de dollars en prix dans le cadre de nombreux tournois de Counter-Strike ou de Quake 3, a annoncé qu'elle cessait ses activités en raison de la compétition accrue entre les ligues existantes et la fragmentation du marché. Fondée en 1997 à Dallas, la CPL a organisé plus de 60 tournois internationaux, attiré plus de 300 000 joueurs et remis des bourses totalisant 3 millions de dollars. Elle a permis notamment de faire de Jonathan Fatality Wendell un joueur très heureux, puisque ses 4 titres de champion de la CPL lui ont permis de se mériter près de 500 000 $ en bourse, ainsi que de lucratifs contrats de publicité auprès des compagnies Creative Labs, XFX, Universal, Ebit et Zalman, qui ont créé des cartes mères, des reproduceurs, des cartes son, des cartes vidéo, des boîtiers d'ordinateur, des écouteurs et même des vêtements portant le nom de Fatality Wendell. Au fil des ans, plusieurs autres organisations ont vu le jour et organisé divers tournois concurrençants, ceux de la CPL, notamment Major League Gaming, Electronic Sports League, la Global Gaming League, les World Cyber Games ou encore la Electronic Sports World Cup, ça en fait beaucoup. La CPL a donc été victime de cette compétition. Les cyberjeux mondiaux ont dévoilé les jeux au programme du tournoi 2008 qui détermineront les champions de cette année. Également, les inscriptions débutent officiellement, sont débutées depuis le 17 mars, voilà, sur worldcybergames.com. Donc, voici la liste des jeux qui permettront aux cyberathlètes de représenter leur pays d'origine et de gagner plusieurs prix, faute de CPL, on va se rabattre sur autre chose. Jeux PC officiels, Half-Life, Counter-Strike, StarCraft, Blood War, Warcraft 3, The Frozen Throne, Command & Conquer 3, Age of Empires 3, FIFA Soccer 08, Need for Speed, Pro Street, Carom 3D, Redstone. Il y a aussi sur la Xbox 360, Halo 3, Project Gotham Racing 4, Guitar Hero 3 et Virtua Fighter 5. Il y a aussi un jeu mobile officiel, c'est Asphalt 3 Street Rules. On remarquera que pour la première fois, un jeu mobile sera présent lors de cette édition 2008. L'an passé, la compétition avait compté un impressionnant total d'1,5 million de compétiteurs pour 74 pays.

Gérald Gentil. Avec mon prénom, c'est Gérald, pas Gérard. Après la pause de la connexion, on parle des nouveautés bientôt en magasin, bientôt sur vos écrans. Au 89.1 FM. C'est fou. NEU, CHES. Cash.com. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette dernière demi-heure, ou en fait ces dernières même pas 11 minutes, on va parler de ce qui s'en vient bientôt sur vos écrans et on va faire un minuscule tour du net comme on aime le faire. On va commencer par les nouveautés sur vos écrans, si ça vous dérange pas trop, on va faire juste ça. On commence par les nouveautés qui sont disponibles en magasin cette semaine sur multiplateforme DS, PS2, PS3, Wii et Xbox 360. On retrouve Sega Superstars Tennis. On en parlait tantôt, il y a aussi Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 qui est sorti sur PS3 et Xbox 360. Sur la DS, on retrouve Diary Girl qui est, oui, un journal intime pour les filles. Sur la Nintendo DS, c'est super joli, ça va bien avec le DS rose. Il y a Go Pets, Vacation Island, Ninja Gaiden Dragon Sword, Lost in Blue 3 et Fantasy Aquarium. Oui, un aquarium. Sur PlayStation 2, Samurai Warriors 2 Extreme Legends, Metal Gear Solid The Essential Collection et SingStar 90 de Sony Computer Entertainment America. Sur PlayStation 3, Condemned 2 Bloodshot, Karaoke Revolution Presents American Idol Encore et Hot Shots Golf Out of Bounds. Finalement, sur Nintendo Wii, on retrouve Worms Space Oddity et Pro Evolution Soccer 2008. Microsoft a annoncé que le prix des jeux Doom et Assault Heroes sera réduit de moitié dès mercredi, depuis hier en fait, via Xbox Live Arcade. Donc plutôt que de coûter 800 points Microsoft, ces jeux seront offerts pour 400 points Microsoft dans deux jours, disait l'article. Bon, quand je lis ça, je sais pas. Doom et Assault Heroes joindront la catégorie des Xbox Live Arcade Hits, qui sont des jeux téléchargeables via Xbox Live ayant connu un grand succès. Des jeux s'ajoutant à cette catégorie devraient d'ailleurs voir le jour à chaque trimestre de l'année. Désolé. Activision n'a fait aucun secret sur la possibilité de voir un jour la franchise Guitar Hero adaptée pour la console Nintendo DS, mais la plus grande question portait plutôt sur le contrôleur qui serait utilisé pour y jouer. La réponse a été donnée ici sous la forme d'un petit contrôleur se branchant dans le port cartouche que les guitaristes en herbe pourront jouer sur la console. La grosse différence viendra du fait que ce contrôleur n'aura que 4 touches comparé à 5 pour la guitare d'origine. Guitar Hero On Tour offrira 5 environnements, 6 personnages, 20 chansons d'artistes tels que Nirvana, OK Go, dont la pièce est utilisée dans la bande-annonce du jeu qu'il faut absolument que vous ayez voir via le lien de l'article sur lunechance.com, la pièce d'OK Go, ça va être génial. Et No Doubt aussi, et les traditionnels costumes, guitares et accessoires. Pour les curieux, allez voir worthplaying.com ou passez par le www.lunechance.com qui est le site de l'émission. Selon le site Newsweek, un jeu basé sur le quatrième film de la franchise Mad Max verra le jour. Or, ce jeu bénéficiera de, non seulement de l'expertise du créateur de la franchise, mais aussi du directeur du jeu God of War 2, Corey Barlog. Selon les informations rendues disponibles, Barlog serait présentement en train de travailler sur le scénario du jeu. Une fois l'histoire terminée, Barlog et Miller se réuniront afin de l'étudier, puis mettront en place une équipe afin de concevoir le jeu. Un quatrième film de la série Mad Max intitulé Mad Max Fury Road est connu depuis un bon moment déjà. Cependant, Miller a été forcé de stopper la production en raison du début de la guerre en Irak. Voilà. Miller compte lancer le film et le jeu au même moment, bien qu'on ne sache pas quand exactement. Ça dit aussi que ça a empêché l'équipe de production d'apporter le matériel nécessaire au tournage du film en Australie. En entrevue au Los Angeles Times, un des dirigeants de Sony ATV Music Publishing a avoué qu'une version de Guitar Hero mettant en vedette les Beatles pourrait devenir réalité. Oui, vous avez bien entendu. Il faut savoir que Sony ATV possède le catalogue du légendaire groupe britannique. Un des dirigeants de Sony ATV donc aurait affirmé « c'est une possibilité dont nous avons discuté car nous aimerions l'explorer ». Dans le passé, le catalogue des Beatles était pratiquement inaccessible. Il était impossible de télécharger même une seule chanson de façon illégale. De façon légale, c'était très facile. Or, depuis quelques temps, iTunes les offre. iTunes et les autres ont accès au répertoire, ce qui permet de croire que Guitar Hero Beatles n'est pas une possibilité folle. Rappelons qu'en juin prochain, Activision va lancer Guitar Hero Aerosmith. Voilà qui fait le tour pour les jeux qui s'en viennent bientôt sur vos écrans. Voici le palmarès des jeux les plus achetés aux États-Unis pour le mois de février 2008. C'est toujours selon NPD. En sixième, là on parle des consoles. En sixième, PSP. En cinquième, 360. En quatrième, PlayStation 3. Troisième, PS2. Deuxième, Nintendo Wii. Et la console la plus vendue, c'est ma préférée, personnellement, la Nintendo DS. Côté jeu maintenant, en 5e position, Guitar Hero 3 Legends of Rock. En 4e, Devil May Cry 4. En 3e, Wii Play. En 2e, Devil May Cry 4 sur la 360. L'autre, c'était la PS3, désolé. Et puis Legends of Rock, c'était sur la Wii. Et en première position, Call of Duty 4 Modern Warfare sur la Xbox 360. Ne pas oublier de dire les consoles, c'est toujours plus évident comme ça. On va faire juste une petite nouvelle brève comme ça entre deux blocs. Afin de protéger ses élèves de pédophiles, une école anglaise a décidé de remplacer la tête des enfants sur les sites internet par des bonhommes sourires. L'école primaire de Cannes Hall à Essex a pris une décision qui a fait grand bruit. En effet, pour protéger l'intimité de ses élèves, elle a tout simplement décidé de mettre un petit smiley jaune sur toutes les photos à la place du visage des enfants. La nouvelle, bien qu'ayant pour but de lutter contre la pédophilie sur internet, ne fait pas l'unanimité. Le politiquement correct devient fou, se sont exclamés les parents d'élèves. Impossible de reconnaître un élève sur les photos, ce qui d'un point de vue sécuritaire est excellent, mais d'un point de vue personnel, c'est pas très évident. Impossible pour les parents de reconnaître leurs enfants. N'est-ce pas bizarre? Je tenais à le dire, je trouvais ça drôle. Smiley, ordinateur. Le lien technologique est pas tellement là, mais c'est pas grave. On a même pas eu le temps pour le quiz musical de la semaine, c'est dommage. On fera ça la semaine prochaine. Pour l'instant, voici un petit tour du net. Oui, un tour du net dans la chronique Le Pow ici à la connexion. Il nous reste à peine quelques minutes, comme toujours, pour parler des choses qui se sont passées cette semaine sur Internet. On commence par une vidéo vraiment épaisse. Je sais que ça n'a pas vraiment rapport avec l'Internet, mais un gars de 18 ans en Floride est mort en faisant du surf sur une Cadillac Escalade. Il était dans un panier d'épicerie, il s'accrochait à la Cadillac. Ils ont frappé une bosse. Et puis, ça va être très gênant pour lui sur sa pierre tombale. J'imagine. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo sur YouTube, c'est le lien avec l'informatique. Allez voir ça. C'est pas exactement le gars dans la vidéo, mais c'est des gens qui font la même chose et c'est complètement idiot. Ensuite, prochaine chose que j'ai postée, il y a une fille, Rachel Marsden, une journaliste, une personne de Fox News qui s'est fait sacrer là par le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales. Et il a fait ça via la page Wikipédia de Rachel Marsden. Donc, allez voir ça, l'article « Text and the City » de Caroline Higulden dans le Sun au Royaume-Uni. Le blog « Le patrouilleur du net » de Dominique Carpin vous donne un petit truc pour accéder à Hulu à partir du Canada. Hulu, c'est le site de NBC, Universal et Fox qui fait concurrence un peu à YouTube, mais en passant des émissions complètes sanctionnées par les réseaux. C'est génial comme site, excepté qu'au Canada, on ne peut pas y accéder, seulement aux États-Unis. Donc, il y a des émissions de télé complètes comme 24 heures chrono, Les Héros... La Grande Évasion, etc. Même des vieux classiques comme The A-Team, Incroyable Hulk et Kojak. Une soixantaine de films aussi. Donc, si vous voulez contourner ça, sur le blog de Dominique Carpin que vous retrouverez sur lunechance.com, le lien direct là-dessus, c'est d'utiliser hotspotshield.com, télécharger un petit logiciel, l'installer, en tout cas, sur votre PC ou sur votre Mac. Une fois que c'est fait, bon, y a toutes les instructions sont dans l'article. Allez-y pour aller sur Hulu, c'est génial. L'image du jour, c'est le Super Real Mario. Vous avez probablement vu ça, ça fait des années que c'est sur le net, mais je la reposte pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est un dessin, une interprétation de quoi Mario aurait vraiment l'air s'il avait les mêmes caractéristiques physiques, mais qu'il était une vraie personne. C'est un petit peu tiré par les cheveux, vous allez voir. En tout cas, allez voir l'image Image of the Day Super Real Mario sur lunchance.com. J'ai posté la vidéo directement de la bande-annonce de Guitar Hero on Tour sur la Nintendo DS. Ça vaut la peine d'être vu avec la pièce de OK Go, c'est très très bon. Ensuite, j'ai posté Lego Batman, la bande-annonce du jeu Lego Batman en haute définition sur le site de GameTrailers.com. Comment ils ont réussi à capturer l'essence de Batman. Allez voir ça, c'est vraiment très très beau. The Snap of Mario, qui est une vidéo sur YouTube. Mario ne peut plus supporter le comble du malheur avec la princesse et décide de tuer tout le monde dans le royaume champignon. C'est une petite vidéo drôle sur YouTube par Josh Harkin. Un forum sur neogaf.com, il y a un thread, un post, peu importe, un message, des suggestions de jeux pour la DS, parce que là, moi, j'ai commencé à jouer à plein de jeux de DS, et puis j'ai été voir là-dessus, il y a des jeux à recommander, donc les classiques de la DS. Charles Cumming de 21 Steps, qui est un roman écrit sur Google Maps. Donc, vous voyez une carte de Google Maps, vous cliquez sur les liens, et ça raconte une histoire avec les endroits. Harmonica, une façon de transformer une cassette de NES en harmonica. Les instructions sont sur le site, là. C'est vraiment avec des photos, là. C'est vraiment, vraiment génial. Harmonica, allez voir ça. Ensuite, on saute dans quelques affaires. Il y a une publicité de Pontiac qui est un hommage à Spy Hunter, le jeu Spy Hunter. C'est une vraie publicité de Pontiac, là. Ça commence par un jeu vidéo, vraiment vieux jeu, OK? Et je ne me rappelle plus sur quelle console, c'est écrit dans l'article en tout cas. Donc, et là, ça devient une publicité avec un auto Pontiac. Vraiment beau. Rétro-sabotage, alors, il faut que vous alliez voir ça absolument. C'est, passez votre après-midi là-dessus, rétro-sabotage.com. C'est des jeux vidéo, des extraits de jeux vidéo, par exemple Tetris, en train d'être gâché, saboté. Donc, par exemple, vous allez jouer à Tetris avec votre clavier et instantanément, il y a un fusil de Duck Hunt qui va apparaître. Ou dans Pac-Man, Pac-Man prend des pilules et il se passe de quoi. C'est génial, c'est des petites vidéos. Vous pouvez jouer, elles sont même interactives. Allez voir retrosavantage.com. Une publicité pour Wendy's qui a été bannie, le restaurant Wendy's. Très drôle à voir, ban Wendy's commercial. Il faut que vous ayez voir ça. Tu sais, si vous y allez pas, vous êtes pas cool, pantoute. Le pire site web du monde, havenworks.com, havenworks.com. Allez voir là, allez-y tout de suite, havenworks.com, le site le plus laid au monde. Et bon, c'est à peu près ça. J'ai même plus de temps pour rien faire d'autre. Non, mais vraiment, mes liens cette semaine sont, ma foi, plutôt géniaux. Allez voir le www.unechance.com pour faire de votre après-midi un succès. Merci d'avoir écouté La Connexion. Allez voir lunechance.com aussi pour télécharger la balado-diffusion. Et puis, pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui, j'étais très heureux de participer à cette émission avec vous, de vous partager les choses. Je vous retrouve au poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales les vendredis matin à 10h. Et au Palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h. De la part de toute l'équipe fictive de La Connexion, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Bye bye! Dash.com